Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin sur les chemins de la philosophie. Oh, pas de philosophie, je n'aime pas ça. Et oui, le mot de philosophie apparaît dans presque toutes les pièces de Tchekhov et c'est à chaque fois de manière ironique. Dans Ivanov, pièce écrite en 1887, puis dans une seconde version en 1889, Nikolaï Alexeïevitch Ivanov se sent affreusement coupable. Et le signe de cette culpabilité est la confusion de ses pensées. J'ai l'âme engourdie par une sorte de paresse, et je ne suis pas en état de me comprendre moi-même, murmure-t-il avant de lancer « Je ne comprends rien, ni les gens, ni moi-même ». Cette confusion, cette ambivalence et cette impossibilité de connaître le fond des choses et de saisir la vérité sur le monde et sur soi, c'est le théâtre de Tchekhov, contemporain de Nietzsche, qui n'est pas loin de penser exactement la même chose. Миша. Бог знает что. Как вы меня напугали. Ну, виноват, виноват. Не буду больше, не буду. Фу, жарко. Верите ли, душа моя, в какие-нибудь 3 часа 17 верст отмахал. Замучился. А вы, j'allais oublier... Donnez-moi 82 roubles. Quels 82 roubles? Pour payer les ouvriers demain. Mais je ne les ai pas. Mille grâces, je ne les ai pas. Mais il faut payer les ouvriers. Attendez le premier du mois quand je toucherai mes appointements. Voilà, allez causer à des êtres pareils. Ce n'est pas le premier du mois que les ouvriers viendront pour la paye. C'est demain matin. Alors que dois-je faire? Ah, ces propriétaires, ces agrariens, que le diable les emporte. Une exploitation modèle, 3000 arpents de terre et pas un sou en poche. N'oubliez pas aussi que dans 2 jours, il faut payer les intérêts aux Lebedev. Oui, je le sais, je le sais. J'irai aujourd'hui chez les Lebedev les prier d'attendre. Quand y allez-vous? Tout de suite. Attendez, attendez, attendez. Ah, c'est aujourd'hui, me semble, l'anniversaire de Sachenka. Oh, j'allais oublier. Oh, en voilà une mémoire. Je vais aller me baigner. J'avalerai 3 gouttes d'ammoniac et prêt à recommencer. Nikolaï Alexeïevitch, mon chéri ange de mon cœur, vous vous énervez toujours, vous pleurnichez, vous êtes continuellement dans les sombres soucis, tandis que nous pourrions ensemble faire de si belles affaires. Vous êtes bon, intelligent, mais voyez-vous, vous n'avez pas le nez. Vous entendez, vous n'avez pas d'élan. Ah, se lancer dans la vie tête baissée, que les diables en soient suffoqués, vous êtes pleurnicheur, névropathe, et si vous étiez un homme comme tout le monde, dans 1 an, vous auriez 1 million. Bonjour Alain Françon. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour parler de Tchekhov, et en particulier d'Ivanov. Vous avez une grande connaissance de Tchekhov, vous l'avez beaucoup mise en scène, La Mouette, La Cerisée, Les Trois Sœurs, récemment Oncle Vania, c'était en 2012 au théâtre Nanterre-Amandier. Ivanov également, c'était en 2004. Mm-hmm. Quelle place tient Ivanov dans votre cœur par rapport aux autres textes de Tchekhov? Ah, c'est... Je pense que c'est une des pièces que je préfère. Mais pourquoi? Je ne sais pas, je crois que c'est lié à... C'est lié au personnage, c'est lié à... Le mot mélancolie vient tout de suite, quoi. Alors, c'est pas que je trouve des grâces à la mélancolie, mais peut-être que oui. Et puis, je sais pas, en même temps, Borkin appelle ça les mirlancolies, donc il y a déjà le côté un peu dérisoire. Et puis, je crois que dans la deuxième version, il y a le mot angoisse, ouais, qui n'est pas dans la première. Et donc, je sais pas, voilà, pour ces raisons-là, ce personnage me semble... je sais pas, c'est comme... C'est comme quelqu'un qui a voulu prendre le monde sur ses épaules et puis le changer. Et puis, des fois, le monde est trop lourd ou trop compliqué ou trop complexe. Et puis on reste les bras ballants. Mais pour moi, c'est ça, Ivanov. C'est-à-dire, c'est une intelligence forte. Quelqu'un qui a voulu changer, y compris la société. Je pense qu'il devait faire partie des... La pièce, c'est le 87, hein, l'abolition. Version, l'abolition, ouais. C'est 61. Je pense qu'il faisait partie des progressistes, de ceux qui voulaient déjà l'abolition du servage, etc. Et qui a dû partager son domaine, sûrement, en donner une partie aux serfs. Et je pense que c'était vraiment quelqu'un de progressiste dans le vrai sens du terme. Et puis, Et puis voilà, et puis le monde est compliqué, et puis tout à coup ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, c'est ce que j'aimais bien, je me souviens toujours en train de dire à Eric Caravaca, qui jouait le rôle, surtout tu te plains pas, ne te plains pas, pas de plainte. Dans son interprétation, ouais. Parce que je trouvais que chaque fois qu'il y avait la plainte, c'était une manière d'amoindrir, la mélancolie, quoi. Qu'au contraire, c'est une extra lucidité qu'il fallait avoir sur, effectivement, sur lui-même, sur son incapacité nouvelle, et puis sur aussi ce monde dérisoire qui l'entoure, en fait. La force du personnage d'Ivanov, c'est comme presque tous les personnages tchékoviens, c'est qu'il est ambivalent, on n'arrive pas à saisir le fond ni de son intention ni de sa pensée, mais qu'à aucun moment il ne se justifie. Même lorsqu'il est accusé d'avoir volontairement épousé une femme parce qu'elle était riche et ensuite de vouloir s'en défaire parce qu'il n'avait pas eu d'argent, il dit que c'est pas vrai, mais jamais il s'explique et jamais il ne fournit un argument. Non, je crois que le seul mot qui, de temps en temps, qu'il effleure, c'est le mot culpabilité, sans savoir trop il revient exactement. Souvent. Ouais, il revient souvent, sans savoir exactement de quelle nature est cette culpabilité. Mais c'est un peu comme tous les personnages de Tchekhov, en fait. Moi, j'avais toujours l'habitude, en répétant, de dire c'est des personnages qui n'ont pas de centre. Donc, on peut pas faire de continuité psychologique sur un personnage, même sur Ivanov. Je veux dire, effectivement, il y a la mélancolie, mais il y a plein d'autres choses. Si on joue l'instant présent, et quand on joue l'instant présent, justement, et sans continuité psychologique, alors on se rend compte que ces personnages n'ont pas de centre. On connaît deux des détails. C'est-à-dire, par exemple, du passé d'Ivanov, on sait qu'il a essayer des choses, qu'il a lutté contre des tabous, qu'il a travaillé énormément. C'est très beau dans le monologue qu'il avait ajouté quand il dit « Ma terre me regarde comme une orpheline ». C'est très très fort de dire ça. Veut dire que la terre n'aurait plus de père, ni de mère. Ben oui, ouais. Et que lui serait peut-être un père potentiel, c'est ça ? Potentiel, bien sûr. En tout cas, ça dit aussi d'une manière très pragmatique qu'il était un travailleur, enfin qu'il l'a... comment dire, qu'il la tournait, cette terre, enfin, qu'il la travaillait, quoi, je veux dire, je trouve ça très, très, très, très fort. Donc, on sait des choses comme ça, des personnages, mais ils n'ont pas de centre. Et de toute façon, toute cette dramaturgie n'est jamais centrée. C'est là que c'est génial, Tchekhov. C'est que, il est toujours à la périphérie. C'est-à-dire, on croit que la pièce va avancer, et puis que tout à coup, on va vraiment, avancer dans l'histoire. Et en fait, à chaque fois, c'est le contraire. On repart à la périphérie et puis on n'a jamais... C'est exactement l'inverse de la dramaturgie ibsenienne, par exemple. Où là, c'est comme un entonnoir. Chaque fois qu'on avance, on va de plus en plus à un endroit précis. Chez Ibsen. Chez Ibsen, ouais. Là, c'est le contraire. On va toujours de l'autre côté, quoi. Et je pense que c'est plus démocratique, ça, la périphérie. Mais, mais ça veut dire que vous vous reposez beaucoup plus sur le jeu d'acteur, dans ce cas. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, parce que... Encore qu'on pourrait, dans Ibsen, c'est aussi des problèmes de jeu, mais là, dans Tchekhov, si on joue pas l'instant présent, c'est-à-dire l'instant qui contient toutes les contradictions, justement, alors on a tendance à faire, effectivement, la psychologie d'un personnage, une continuité. Alors même dans Ivanov, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est justement d'être toujours, ouais, c'est presque de l'inouï, quoi, enfin, je veux dire, dans le sens pas inattendu, quoi. Enfin, non entendu, quoi. Et je trouve que c'est très fort, ça, parce que j'avais toujours le souvenir de chaque fois, de quand je travaillais sur les pièces, de me dire, mais au bout d'un moment, je me disais, mais sur quoi je travaille, quoi. Et parce que j'avais toujours le sentiment de me décentrer, de m'y perdre. Et en même temps, je trouvais ce sentiment incroyable et formidable. C'est comme si je rentrais dans une espèce de zone quotidienne sur laquelle d'habitude je regardais pas ou que je voyais pas d'habitude. Enfin, une chose comme ça. C'est exactement ce que dépeint Tchekhov. Ouais, peut-être. On va écouter un autre extrait d'Ivanov. Là, on a rencontré Ivanov et Borkine, l'intendant de son domaine, qui, vous l'avez entendu, est beaucoup plus vif et drôle et percutant, disons, dans tous les sens du terme, qu'Ivanov. Au gré de la pièce, un lieu va changer. Ivanov se rend beaucoup chez les Lebedev, qui, au contraire, possèdent le domaine. Et chez les Lebedev, alors, sur le papier, tout semble être le lieu d'un amusement, puisqu'ils jouent aux cartes, ils écoutent souvent de la musique, et en fait, ils ne répètent qu'une chose, c'est qu'ils s'ennuient à mourir. Écoutez. Pour moi, mesdames, je trouve qu'en ce temps-ci, il n'est pas avantageux d'avoir des capitaux. Les valeurs donnent très peu de revenus et mettre son argent dans les entreprises est extrêmement dangereux. Je trouve que ceux qui ont présentement des capitaux sont dans une situation plus critique que ceux c'est qui... C'est vrai qui... Est-il permis de bailler devant des dames? Oh, pardon, mesdames, je me suis oublié. Pardon. Deux carreaux. Je passe. Je passe. Dieu, quel ennui. C'est temps à mourir. Ceux du paradis, cette friandise divine, cet exquilocum. Comment va votre très précieuse santé? Un grand merci. Allons très bien, Dieu soit loué. Gavrila. Dites-moi pourquoi nous n'avons pas fait le point. Pourquoi avons-nous perdu que le diable m'emporte tout à fait? C'est parce que, petit père, on ne se mêle pas de jouer quand on ne sait pas. Quelle raison as-tu d'attaquer dans une couleur que tu n'as pas? Et ton as sec a sauté. Non, permettez, messieurs. Oh. Écoutez, j'avais 8 carreaux. Avec l'as, le roi et la dame. L'as de pique et, entendez-moi bien, un seul petit cœur. Et elle, que le diable l'emporte, n'a pas pu annoncer le petit chelem. Mais j'avais dit sans atout. C'est moi qui l'ai dit. Toi, dis de lever sans atout. Que je sois un pied plat et un damné, si je rejoue jamais avec ce vieil esturgeon. Oh, cette partie de carte où l'on baille, vous l'écoutez sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Ivanov, un extrait de Ivanov, ici, dans une traduction et mise en scène d'Antoine Vitez, réalisée pour la radio par Arlette Dave, hein, c'était en 1965. Ce qu'on entend, Alain Françon, et c'est poignant en fait, cette impossibilité de se réjouir et de se divertir quand toutes les occasions sont servies sur un plateau, que ce soit les cartes, la nourriture ou autre, et finalement plus on propose, plus les personnes elles-mêmes bien regardent le temps passé. Quand ils disent oui. Je passe, au jeu de cartes, enfin, je passe, c'est aussi le temps qui passe, je passe ma vie à attendre. Ah oui, je crois qu'il y a un personnage, je me souviens plus son nom, celui qui est toujours en train de jouer aux cartes, dit toujours je passe quand il ne fait qu'ouvrir la porte et passer aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est devenu son existence, quoi. Enfin, je veux dire je passe, oui. Ouais, le langage. Je sais pas, après, c'est très compliqué parce que je pense que quand même que là, ce que j'entends, mais bon, c'est peut-être des enregistrements qui sont plutôt anciens, je sais pas. 1965, ouais. Ouais, où je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est légèrement caricaturé pardon de dire ça. Non, mais en plus, André Markowitz insiste beaucoup là-dessus, donc le traducteur aussi de Tchekhov aujourd'hui, sur l'aspect caricatural des propos tenus par les personnages de Tchekhov, ouais. Qu'on n'entend pas forcément à la lecture et que seul le jeu ouais. peut mettre Ouais, mais en même temps, c'est très, très difficile, parce que là, par exemple, juste quand il y a juste un extrait, ça devient très vite très caricatural, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il faut... Mais dites-nous. Je veux dire, par exemple, que ce soit Ivanov ou Lvov, par exemple, je veux dire... Le médecin, chaque fois, il a essayé, justement, de garder quelque chose de... Ouais, on pourrait dire vraisemblable. C'est peut-être le mot qui conviendrait, quoi. C'est-à-dire, donc pas caricatural, forcément, même s'il y a des côtés très négatifs, aussi bien, d'ailleurs, chez Ivanov que, par exemple, chez le médecin, cette espèce d'honnête homme qui censure tout, y compris les conduites de tout le monde. Je veux dire, il a quand même quelque chose de, je sais pas comment, ouais, de vraisemblable, enfin, quelque chose qui le rachète, d'une certaine manière, à un endroit très précis, quoi. Et je pense la même chose pour Ivanov. Et je pense même tous les personnages, même Babakina, je veux dire, qui est complètement émue quand finalement elle pourrait épouser le comte et devenir comtesse. Je veux dire, mais elle s'évanouit presque sur un fauteuil. Je veux dire, mais c'est à la fois ridicule et en même temps, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est c'est émouvant en même temps. Tchekhov considérait cette pièce comme une comédie. Alors, il y a deux versions, je l'ai dit. Il y a une version qu'il appelle comédie qui finit mal. Enfin, les deux finissent mal de toute façon et une autre, une tragédie. Comédie, où se situe le rire dans Ivanov? C'est très difficile de savoir à quel moment les personnages rient et quand le spectateur rit. Moi, je crois que justement, entre les deux, il y a beaucoup de différences entre les deux quand même. Hein, je veux dire, je pense que la ponctuation, par exemple, alors je me rappelle plus, mais je sais qu'entre les trois points de suspension et puis les points d'exclamation, je pense que les points d'exclamation doivent être plutôt du côté de la comédie, comme chez Fedo, par exemple. Et puis dans la structure, je veux dire, il y a le dernier acte où finalement il y a deux tableaux dans la première version. Je pense que la première version est plus, comment on pourrait dire, plus caustique, plus énervée, plus en même temps et sûrement plus comique. Enfin, plus oui, les traits sont légèrement plus grossiers. Même les quelques paroles antisémites qui sont dans la pièce sont plus prononcées dans la comédie qu'après. Et je pense qu'en fait. Comme il s'est quand même un peu planté, si on peut le dire, pardon, mais pourquoi ça? Ça marchait pas la première version, la comédie. Je veux dire, c'est pas un bide, mais c'est pas loin, quoi. Enfin, je veux dire, et je crois que c'est Souvorine qui lui explique que la mélancolie et le public ne comprend pas ce personnage, donc il faut réécrire des monologues explicatifs. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Alors, je sais que nous, quand on l'avait travaillé avec Françoise et André, on avait fait une version un peu mixte entre les deux. C'est-à-dire, il y avait des éléments de la comédie que j'avais quand même, j'avais envie qu'ils soient dans la pièce. Et donc, on les avait mis de façon. Mais il y a quand même une, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le mot angoisse, il y est dans la deuxième, il y est pas dans la première. Donc, c'est légèrement moins acide et c'est plus explicatif d'une certaine manière. On va entendre dans un instant le monologue d'Ivanov, justement, qui a été retravaillé, qui est absolument magnifique et qui a été lu pour les besoins de cette émission. Avant cela, puisque vous sembliez tout à l'heure, en parlant de comédie, insister sur la ponctuation, comme si la comédie était une affaire de ponctuation, je vous propose d'écouter Peter Brook, qui a également mis en scène Tchekhov, et regardez ce qu'il dit, et aussi de la ponctuation et du jeu écrit par Tchekhov. Tchekhov n'était pas un auteur littéraire dans le sens d'un auteur qui croit que la phrase contient la totalité de ce qu'il veut exprimer. Pour lui, dans un langage théâtral, tout se joue entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Les deux sont importantes, indispensables de sentir qu'il y a un mouvement de pensée, de sentiment, des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne veut pas dire. Et puis, à un certain moment, on dit quelque chose. Par exemple, l'exemple le plus extraordinaire est le passage où il y a Epikhodov, un des personnages qui passe loin en jouant sur une guitare, et deux personnages, la mère et la fille, disent la même chose. La mère dit « Epikhodov qui passe ». Ensuite, il y a un temps, et la fille dit « Epikhodov qui passe ». Dans un examen, si on donnait ces deux phrases hors contexte, il dit « Est-ce que ça vient d'un auteur de génie ?» Point de vue littéraire, il n'y a rien du tout dans la phrase « Epikhodov qui passe ». Mais dans ce contexte, lié à tout ce qui n'est pas dit, ces phrases avec la ponctuation qui indique un temps entre les deux phrases expriment un univers. Et Epikhodov qui passe, c'est dans La Cerisaie, dont on parlera jeudi prochain, Alain Françon. Vous rejoignez Peter Brook dans son analyse de l'écriture de Tchekhov ? Oui, oui et non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Oui, oui, oui. Non, je ne suis pas très d'accord sur l'importance, par exemple, des pauses. On avait regardé avec Markovitch sur l'édition originale, les pauses sont indiquées comme en milieu de page, c'est-à-dire pas entre parenthèses à la fin d'une réplique. Donc ça veut dire que c'est vraiment, quand on regarde, c'est comme une partition. Donc les pauses, c'est excessivement important. Je veux dire, je sais plus, moi je me souviens plus, mais par exemple, je savais que dans tel acte, il y en avait 7. Enfin, je veux dire, mais c'est très très très précis. Mais ces pauses-là... C'est comme une partition musicale. Absolument, absolument, ouais. Mais je pense que c'est pas forcément ce qu'on pourrait... ce qu'on pourrait appeler ne pas dire ou non dire. Je crois pas à ça. Je pense que dans la pause, c'est le silence du monde qui résonne. Et pas forcément un non dire des personnages ou je sais pas. C'est vraiment tout à coup, il y a le silence du monde qui est un commentaire ou qui est une absence de réponse à ce que les personnages sont en train de dire, sûrement, mais c'est pas forcément non-dit ou du non-dit, quoi. Le silence du monde, c'est le monde qui ne répond pas à nos questions. Par exemple. L'absence de sens. Par exemple. Parce que les personnages de Tchekhov vivent dans un monde absurde, c'est-à-dire où il n'y a pas de sens prédonné, il n'y a pas de direction à suivre. Justement, Ivanov, c'est le personnage qui, dans le passé, a essayé de trouver du sens. Je veux dire, dans une activité débordante, d'ailleurs. Et en plus, c'est un personnage, les témoignages disent, enfin les autres personnages, sa femme en particulier, mais d'autres aussi, disent qu'il était particulièrement brillant, beau, drôle, etc. Enfin, je veux dire, une force, une vraie force, et tout à coup, rien. Sans qu'il ne puisse l'expliquer. Oui. C'est d'ailleurs sans doute le sujet de la pièce. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé, oui. Quant à Borkine... C'est déjà presque la première figure de Lopakhine, d'ailleurs, de La Cerisaie. C'est comme une première mouture, quoi. Sauf que lui, il a aussi des idées qu'il réalise pas, parce que je pense qu'il est plutôt velléitaire et que alcoolique, un peu. Il a pas la complexité de Lopakhine. Ça, c'est certain. Lopakhine est le valet de La Cerisaie qui va finir par acheter La Cerisaie. Ouais, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent en travaillant beaucoup, à la différence de ses maîtres qui sont ruinés. Oui, oui. Et il va transformer La Cerisaie en lotissement. Donc là déjà, par exemple, il y a chez Borkin, justement dans la scène avec, avec Ivanov qui ouvre la pièce, il y a bien l'idée comme ça d'acheter l'autre rive de la rivière pour boucher la rivière, pour la barrer, de façon à ce que tout le monde paye pour. Ou au contraire, après, avec Babakina, quand il veut épouser Babakina, qui a un peu d'argent, il veut acheter des chevaux, faire un haras, etc. Enfin, je veux dire, mais sauf que ça reste velléitaire et que le personnage est profondément pris dans la comédie, quoi. Enfin, je veux dire, un peu dérisoire. Oui. Lopakhin n'est pas du tout, mais c'est comme une première figure, déjà, de... Oui. Mais j'ai toujours en train de dire que de toute façon, quand on travaille une pièce, moi je prends le texte et puis j'ai pas envie de chercher le sous-texte, ça me gonfle très vite. Parce que je le laisse aux acteurs et je le laisse aux spectateurs en fait, je veux dire surtout. Donc je pense pas que ce soit, je suis pas d'accord sur le mot non-dit quoi. Je pense qu'au contraire, Peter Brook, ouais. Mais je pense qu'au contraire ils disent tout. Mais enfin ils disent ce qu'ils peuvent dire bien sûr, mais ils disent tout. Ivanov, en tout cas, dit beaucoup, ouais. Y compris aux spectateurs, et surtout dans ce monologue qui a donc été rajouté par Tchekhov. C'est un monologue qu'on va entendre et qui est extrêmement dur. Ivanov parle de lui avec des termes vraiment presque cruels à son endroit. Dans l'histoire, en fait, il a épousé donc cette fille, Anna Petrovna, qu'il appelle aussi Sarah, qui est juive de religion, qui s'est convertie pour l'épouser, de parents très riches qui l'ont répudiée au moment où elle s'est mariée. Et au fil des années, l'amour est parti. Il n'aime plus Sarah, il ne sait pas pourquoi, et tout le monde l'accuse dorénavant de vouloir se séparer d'elle parce que finalement il n'a pas eu l'argent qu'il voulait avoir. Lui-même ne se défend jamais de ces accusations, mais il exprime un remords mais qui lui ronge l'âme et une culpabilité qui dépasse sans doute largement la situation. Écoutez comment lui-même met des mots sur cette situation ici, c'est un texte lu par Yvan Morane. Comme je me méprise, mon Dieu. Comme je déteste profondément ma voix, mes pas, mes mains, ses habits, mes pensées. Mais est-ce que ce n'est pas comique, pas vexant ? Il n'y a pas un an encore, j'étais en pleine santé, j'étais robuste, j'étais vif, infatigable, brûlant. Je travaillais de ces mains-là, je parlais si bien que je touchais aux larmes, même des rustres. Je savais pleurer quand je voyais le malheur, m'indigner quand je rencontrais le mal. Je savais ce que c'était que l'inspiration, je connaissais le charme et la poésie des nuits tranquilles, quand d'une aube à l'autre, on reste à sa table de travail ou qu'on délasse son esprit dans les songes. Et maintenant, oh mon Dieu, je me suis épuisé. Je n'ai plus la foi, je passe mes jours et nuits dans l'inaction. Ni mon cerveau, ni mes mains, ni mes jambes ne m'obéissent plus. Le domaine va à volo, les forêts craquent sous la hache. Ma terre me regarde comme une orpheline. Je n'attends plus rien. Je ne regrette rien. Mon âme tremble devant le lendemain. Et l'histoire avec Sarah. Je lui jurais un amour éternel. Je lui promettais le bonheur. J'ouvrais devant ses yeux un avenir dont elle n'avait même jamais rêvé. Elle y a cru. Pendant ces 5 années, tout ce que j'ai vu, c'est comme elle s'éteignait sous le poids de ses sacrifices. Mais Dieu m'est témoin, pas le moindre regard de travers de sa part, pas un mot de reproche. Et quoi ? Je ne l'aime plus. Comment ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? Je ne comprends pas. Elle est là, qui souffre, ses jours sont comptés, et moi, comme le dernier des lâches, je fuis son visage blême, sa poitrine creusée, ses yeux implorants. J'ai honte. J'ai honte. Ce qui sauve Ivanov sans doute, Alain Françon, c'est sa lucidité. Oui, je pense que c'est même une lucidité extrême, oui, absolument. Il arrive à mettre des mots sur ce qu'il oui, ressent même et ce si qu'il la conclusion, et je ne comprends pas, mais en tout cas, il faut arriver à pouvoir dire « je ne comprends pas ». Et cette culpabilité, quand on entend le texte et quand on le lit, la culpabilité, la honte, on pourrait presque y entendre des manifestations chrétiennes, en fait, comme l'homme qui est né coupable. Oui. Ouais, je sais pas, j'ai jamais trop pensé dans ce sens, mais oui, pourquoi pas, ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, d'ailleurs, Lebedev le dit à un moment, je crois, dans le deuxième, au début du deuxième acte, c'est que je crois qu'Ivanov avait une vision du monde. Vraiment. Et que cette vision du monde, elle s'est cassée. Il dit, et c'est très beau, à un moment, il prend une métaphore d'un paysan qui, pour faire le malin, s'était mis deux sacs sur le dos et s'est cassé. Et il emploie le mot cassé. Enfin, en tout cas, Françoise et André ont traduit ça par cassé. Je trouve que c'est exactement ça. C'est cassé. Ça s'est cassé, quoi. Et il n'y a plus de vision du monde. Et Lebedev, par exemple, dit, moi, ma vision du monde, c'est simple. Je veux dire, c'est juste que je sais que je vais passer l'arme à gauche, mais je sais pas quand. Voilà. Enfin, c'est ça, sa vision du monde de Lebedev. Et Dvorkin, par exemple, quand il rentre au deuxième acte, le comte dit c'est l'âme de la société qui arrive, parce que lui, il est drôle, il est rigolo, et tout le monde, et puis il a amené des feux d'artifice, etc., quoi. Et si l'âme de la société, c'est Dvorkin, alors c'est compréhensible que Ivanov ait perdu sa vision du monde. Enfin, je veux dire, voilà. C'est toutes ces contradictions-là qui sont, d'ailleurs, ça y est très peu dans Ivanov, mais pour avoir travaillé beaucoup sur la Cerisée et sur les trois sœurs, il y a quelque chose chez Tchekhov que je trouve très émouvant chaque fois, c'est qu'il dit, il y a toujours un personnage qui dit oui, mais peut-être c'est pas pour nous, mais peut-être nos enfants, nos petits-enfants, eux comprendront ou seront trouveront l'existence qu'il faut avoir. Enfin, en gros, quoi. Là, je me souviens dans les trois sœurs, c'est Verchinine qui le dit souvent. Et je trouve ça très... c'est comme si, en dehors de toute, on pourrait dire idéologie, je ne sais pas comment dire, ou doctrine toute faite, Tchekhov était quelqu'un qui avait mis ça très, très loin, en fait, et avait... savait qu'on peut avancer que des petits pas, quoi. Petit pas par petit pas, mais que ça prendra du temps, quoi. Mais c'est le présent même qui est toujours problématique chez Tchekhov. Oui. Le passé est tellement écrasant pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est à la fois l'âge d'or et ses pères défaillants qui nous ont légué ce monde dans lequel nous vivons et le futur que l'on attend, que l'on espère. Il faut aller à Moscou pour les trois sœurs. Oui. Il faut aller à la ville, quitter la province. Mais le présent est presque impalpable, est presque inexistant. Inexistant, oui, bien sûr. Mais il faut quand même avoir l'idée que ça arrivera. Ça arrivera. Je ne sais pas si c'est du sens qui arrivera. Enfin, mais en tout cas, de la compréhension où ça viendra, mais ça mettra des générations. Enfin, je veux dire, Verchinine, il est très. Je ne sais plus combien. Je crois qu'il chiffre même en années, d'autant que je me souviens. Ça prendra un temps infini. Mais je trouve que c'est aussi la position qu'avait Tchekhov quand. Je veux dire, c'était des actions très simples. Hein, je veux dire, quand il achetait des livres pour la bibliothèque, quand il donnait son argent pour faire une école, etc. Ce sont des toutes petites actions. Enfin, je veux dire, mais c'était de nature à changer quelque chose. Même si c'est plus que modeste ou plus que infime. Oui, lui-même agissait alors que ses personnages sont toujours pris entre l'inaction et la suractivité, la perte de soi dans le travail et ont du mal à trouver cet équilibre-là. Cet équilibre, oui. Le corollaire du thème de la culpabilité qu'on a entendu dans le monologue, c'est celui de l'honnêteté. La question de savoir est-ce qu'Ivanov est honnête et la personne qui l'aime, Sacha, qu'on va entendre dans un instant, en est persuadée. Mais la question de l'honnêteté, la plupart des personnages se présentent comme honnêtes alors qu'ils ne le sont pas forcément. Pourtant, ce n'est pas vraiment une dimension moralisante. Non, je crois que c'est plutôt scrupuleux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, je pense que le scrupule et Ivanov, ça va ensemble. Enfin, je pense que le souci de l'autre aussi, c'est une chose importante sur Ivanov. Quand il dit par exemple ma terre, je sais plus exactement. Ma terre me regarde comme une orpheline. Une orpheline, ça veut dire, si on le prenait simplement sur le plan du travail, je veux dire, c'est comme si il avait arrêté tout travail physique, ou de rapport avec les gens du domaine qui travaillent avec lui. C'est comme si tout s'était mis à l'arrêt et qu'il emporte une profonde culpabilité, par exemple. Là, par exemple, la culpabilité, elle est très, très nette, là. Je veux dire, elle est très concrète, enfin, très prosaïque, à la limite. Mais je pense que ça résume pas ce que vous disiez tout à l'heure. Ça résume pas le mot culpabilité. C'en est juste un aspect. Alors, et pour se compliquer la tâche, Ivanov va faire des rencontres, notamment une rencontre avec Sacha. Qui est la fille de Lebedev, chez qui il se rend tous les soirs. Son épouse le sait sans le savoir. Au début, ne veut pas trop ouvrir les yeux là-dessus. Et quand ils se rencontrent, on découvre une Sacha qui est beaucoup plus jeune que lui et qui est elle aussi très lucide et qui, du côté, c'est peut-être le seul personnage absolument positif de la pièce. sans ambivalence. Écoutez comment elle lui parle et comment cette voix-là qui vient s'insérer dans le monologue intérieur d'Ivanov a quelque chose de presque de solaire. Écoutez. Voilà ce qui en est, ma petite Choura. Autrefois, je travaillais, je pensais beaucoup et je ne me fatiguais jamais. Et maintenant, je ne fais rien, je ne pense à rien. Et je suis là, là de corps et d'âme. La société même de ma femme qui m'aime est insupportable. Vous êtes ma vieille amie, Chourochka. Et vous ne m'en voudrez pas de ma sincérité. Mais je suis venu ici pour me distraire. Et je m'ennuie aussi chez vous. Et je me sens à nouveau attiré chez moi. Alors pardonnez-moi, mais je vais m'esquiver sans dire adieu. Je vous comprends, Nikolai Alexeevitch. Votre malheur est d'être seul. Il faut auprès de vous une personne que vous aimiez et qui vous comprenne. Seul l'amour peut vous renouveler. Quelle idée, Georges, que mon malheur et vieux coq mouillé que je suis, d'avoir entamé un nouveau roman. Dieu me préserve d'un pareil malheur. Non, vous qui comprenez tout, il ne s'agit pas de roman. Je vous le dis comme devant Dieu, je supporterai tout, l'ennui, la névrose, la ruine, la perte de ma femme, la vieillesse prématurée, la solitude, mais je ne supporterai pas, je n'endurerai pas de devenir ridicule à mes yeux. Nikolai Alexeevitch, enfions-nous en Amérique. J'ai la paresse d'aller jusqu'à cette porte et vous me parlez d'aller en Amérique. J'ai la paresse d'aller jusqu'à cette porte et vous me parlez d'aller en Amérique. Tout est dans cette phrase, Alain Françon. Le décalage énorme entre les deux personnages. Oui, oui. Mais c'est très... Par exemple, c'est une des grandes différences entre la comédie et puis le drame. Le personnage de Sacha s'est complètement étoffé. Dans la deuxième partie, il est devenu beaucoup plus cohérent. Et il y a aussi tout un passage que je trouve magnifique sur l'amour utile. C'est-à-dire qu'elle lui explique ce que c'est que l'amour qu'elle peut avoir pour lui. Et c'est un des rares moments où le mot « amour utile » fait sourire Ivanov. Comme si le mot « utile » pouvait lui encore lui raconter quelque chose. Et je trouve ça passionnant parce que la première fois qu'on lit l'amour utile, on ne voit pas très bien. Et puis en fait, quand on est au cœur de la pièce, tout à coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est... c'est un motif. Et comment il faut le comprendre, l'amour utile? Je crois qu'elle dit, si tu tombes dans un ravin, je tombe dans un ravin. Si tu franchis une montagne, je franchis une montagne. Elle lui explique que il y a quelques années, il était fatigué. Il venait de travailler, justement, très, très fatigué. Il lui a demandé à boire. Le temps qu'elle aille chercher, je crois qu'il s'est endormi et qu'elle est restée devant la porte pour pas qu'on le dérange pendant toute la nuit, ou je sais plus quel temps, quoi. Donc c'est pas du tout un asservissement, c'est un souci de l'autre énorme, quoi. Enfin, je veux dire, mais qui... Donc utile à l'autre. Utile à l'autre, ouais. Puis j'aime bien ce mot utile. Je veux dire, enfin bon, avec Edouard Bond, c'est un dramaturge qui, avec le mot utile, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ivanov dit dans l'extrait qu'on a entendu, je suis venu chez vous pour me distraire, mais je m'ennuie aussi chez vous et de nouveau j'ai envie de rentrer chez moi. Ce qu'il décrit là. Et vraiment une composante de la nature humaine qui est quasiment universelle. En fait, il décrit l'impossibilité d'être bien quelque part et d'être et finalement la nécessité d'être toujours entre les deux, d'être toujours en transit, en transition. Ouais. Mais je crois qu'il y a un autre personnage qui le dit. Je crois que c'est le comte qui dit pas un endroit où se mettre. Oui, mais ça on le retrouve beaucoup chez Tchekhov. Ivanov doit le dire aussi, je crois. Ils veulent se cacher de la vie, disent-ils, et ils ne savent pas où se mettre. Où se mettre, oui, exactement. Alors qu'on bouge très peu d'ailleurs dans les pièces. C'est comme s'ils n'avaient pas de place en même temps. Ouais. C'est ça. Et donc c'est un problème de ne pas avoir sa place. Un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui du médecin qui vit avec Ivanov et son épouse, Lvov. Le médecin qui est amoureux de l'épouse d'Ivanov, en tout cas veut en prendre grand soin et passe son temps à reprocher à Ivanov de ne pas s'occuper d'elle. Tchekhov lui-même était médecin et il dépeint souvent des médecins qui ne font pas grand-chose. Là, il voudrait faire quelque chose, mais c'est finalement celui qui est le plus moralisateur. C'est celui qui est le plus cruel avec Ivanov. Oui, c'est la morale incarnée. Enfin, mais c'est en même temps un personnage intéressant parce qu'il est... c'est pas le même concept qu'au 17e, mais c'est un honnête homme. Enfin, il est quand même aussi, il y a un fond d'honnêteté, de scrupule dedans. Sauf que, je veux dire, au lieu que ce soit justement tourné vers l'autre, c'est complètement, ça reste une idée, quoi. Donc, c'est profondément moralisateur, exactement le mot que vous disiez, quoi. C'est-à-dire qu'il est insupportable de ça. Et en fait, je veux dire, à la fin de la pièce, que ce soit d'ailleurs dans les deux versions, il se passait un an, Sarah est morte, et là on est au moment des épousailles d'Ivanov et Sacha, et là le médecin réapparaît pour venir justement moraliser et dire à toute la société ici présente en quoi Ivanov est un monstre. Et dans une des versions, ça tue. Enfin, ces paroles tuent littéralement Ivanov. Tout d'un coup, on se retourne et Ivanov est mort sur sa chaise. C'est la version dite comique. Comique, ouais. Encore rit peut-être de l'invraisemblable de. Mais c'était beau parce qu'il avait eu justement l'idée que la parole était capable de tuer. Ouais. Quoi. Enfin, de. Oui. Et c'est intéressant que ce soit le médecin qui soit le plus moralisateur. Absolument, ouais. Ouais, ouais. Bah écoutez la réponse qu'Ivanov lui fait quand elle voit. Enfin, là, c'est dans votre mise en scène, Alain Françon. Hein, donc c'était en 2004 au Théâtre National de la Colline. Donc on va entendre le comédien qui jouait Ivanov et qui s'appelait Caravaca, Eric Caravaca. Docteur, vous êtes vraiment un piètre médecin si vous imaginez que l'être humain est capable de se dominer éternellement. Ne pas répondre à vos insultes me demande des efforts épouvantables. Qui voulait vous tromper par le masque ? L'homme intelligent, réfléchissez un peu. D'après-vous, rien de plus simple que de me comprendre, c'est ça ? Je me suis marié avec Anna pour toucher une grosse dot. La dot, on ne me l'a pas donnée, j'ai manqué mon coup. Et maintenant, je vais de la surface de la Terre pour me marier avec une autre et capter une autre dot, c'est ça ? C'est tellement simple, tellement primaire. L'homme est une petite machine, si simple, si facile. Non, docteur. En chacun de nous, il y a trop de rouages, de vices et de soupapes pour que nous puissions nous juger les uns les autres sur la première impression ou sur deux, trois signes extérieurs. Je ne vous comprends pas, vous ne me comprenez pas, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. On peut être un excellent médecin et en même temps ne pas du tout connaître les gens. Ne soyez donc pas si sûr de vous, accordez-moi ça. Mais vous pensez vraiment que vous soyez vous si opaque et que j'ai moi si peu de cervelle que je ne puisse pas distinguer la crapulerie de l'honnêteté ? Nous ne trouverons jamais de terrain d'entente, visiblement. Une dernière fois, je vous le demande, et répondez, je vous prie, sans faire de phrase. Au fond, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Qu'est-ce que vous attendez ? À qui ai-je l'honneur de parler ? À mon procureur ou au médecin de ma femme ? Je suis médecin. Et en tant que médecin, j'exige que vous changiez de conduite. Cette conduite tue un peu de confiance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Quoi ? Si vous me compreniez mieux que je me comprends moi-même, alors dites-le d'une façon claire et nette. Que dois-je faire ? Mais au moins ne pas agir d'une façon aussi éhontée. Mon Dieu, mais est-ce que réellement vous comprenez-vous-même ? C'est un formidable dialogue de sourds en réalité. Alain Françon, il ne parle pas de la même chose. Oui, absolument. Oui. Mais en même temps, c'est une des scènes les plus... c'est au troisième acte. Oui, c'est ça. En fait, le troisième acte, c'est dans Tchekhov, c'est toujours celui de la crise, en gros. Quoi. Et là, c'est vraiment l'affrontement le plus violent de la... Enfin, en tout cas, en parole de la pièce. Ouais. Ça fait penser à... Ça fait penser à l'opposition qu'il peut y avoir dans le théâtre grec au moment de l'Agone, où c'est vraiment très, très, très violent. L'argumentation d'Ivanov sur la complexité des choses, sur le fait qu'on soit composé de soupapes, de vis et de, enfin, je sais plus la métaphore qu'il emploie. Et de clapets. Ouais. Je trouve ça assez passionnant parce qu'il y a vraiment l'idée de la complexité. Ce que je disais tout à l'heure est que quand on montre ces pièces-là, je veux dire, si, l'idée de mise en scène est une idée simplificatrice, par exemple, c'est un grand dommage parce que il faut aller justement dans cette complexité-là et bien se dire que la pièce, justement, elle n'a pas de centre et que les personnages non plus n'ont pas de centre et qu'on est dans un espèce de, voilà, de mouvement. Enfin, c'est du mouvement. Voilà, il n'y a pas de continuité. J'aime bien cette idée. Il y a aussi ça dans Tchekhov qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les thèmes. Ça, c'est fondamental aussi. Parce qu'on peut parler de la chose la plus insignifiante. Et puis, en même temps, tout à coup, voilà, l'idée de la mort traverse, et puis on peut parler de ça aussi. Enfin, voilà, c'est cette absence de hiérarchie, je trouve ça très très fort, parce que, par exemple, c'est à l'inverse d'Ibsen. Ah oui. Il y a une forme d'antisnobisme chez Tchekhov, en tout cas, où c'est vrai que tous les thèmes sont présents et qu'on peut, généralement, lorsqu'on philosophe, même si ces personnages le disent toujours un peu avec mépris, c'est à partir des. Un petit événement ou même une absence d'événement qui d'où va surgir des réflexions, les, des réflexions les plus intenses et les plus intéressantes. Sûrement, oui. Et toutes les intrigues financières, mondaines, morales sont mêlées. Mêlées, oui, bien sûr. Bah oui. D'où le génie d'avoir fait de Lvov un médecin qui, en fait, est le moralisateur. Il le persécute, là, dans l'extrait qu'on entend. C'est vraiment, c'est de la persécution. Oui. C'est lui qu'il veut tuer. Oui. Mais en même temps, je crois qu'il lui avait gardé, je n'ai plus dans la tête, parce que ça commence par un monologue, le dernier acte, et c'est un monologue du médecin, justement, qui revient pour dénoncer, pour humilier, mais en même temps, il me semble qu'il y a à l'intérieur des réflexions qui sont d'une autre nature sur lui-même, d'ailleurs, enfin, je sais plus, mais. Il dit 4 heures passées. La bénédiction devrait commencer maintenant, on les bénit, puis on les conduit à l'église. Le voilà, le triomphe de la vertu et de la justice. Sarah, il n'a pas réussi à la piller, il l'a torturée et menée à la tombe maintenant. Et maintenant, il s'en trouve une deuxième. Il va aussi, le joli cœur, devant celle-ci, tant qu'il ne l'aura pas pillée. Et quand il l'aura bien pillée, tant qu'il n'aura pas mise où est la pauvre Sarah, eh bien, une vieille histoire d'exploiteur. Et en fait, il continue, voilà, je saurai te percer à jour, quand je t'aurai arraché ton masque maudit et que tout le monde saura quel animal tu es, je te ferai dégringoler de ton 7e ciel, la tête la première, dans une fosse telle que le diable lui-même ne t'en ressortirait pas. Je suis un homme honnête. Mon devoir est d'intervenir et d'ouvrir les yeux des aveugles. Je vais accomplir mon devoir et dès demain, j'aurai quitté ce district maudit. Ouais, mais c'est ça que je pensais, et dès demain, j'aurai quitté ce district maudit parce que depuis le début... Ce personnage peut être pas sauvé, mais ce personnage est intéressant dans la critique qu'il fait du milieu. Parce qu'évidemment, ça se passe dans, je crois que ça se passe dans la Russie centrale, ou je sais plus exactement. Quelque part au centre de la Russie. Au centre de la Russie, ouais. Et il fait la critique de cette société dont, par exemple, Borkine est l'âme, puisqu'on dit ça dans la pièce. Il en fait une critique assez violente sur l'inculture, sur etc., etc. Mais pas, là, c'est pas moralisateur, par exemple, cette critique de Lvov. C'est plutôt, c'est le côté plus intéressant du personnage. À l'inverse du moralisateur qu'il est, effectivement. Mais c'est comme, je sais pas, c'est un personnage doctrinaire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça part d'une conscience très précise et qui pourrait être positive et qui pourrait être constructive. Et ça se transforme en une idéologie monstrueuse, quoi, je veux dire. Alors donc, effectivement, il est moralisateur, il est tout ça. C'est terrible, les mots qu'il dit. Et il ne sait pas non plus quoi faire, parce qu'à la fin de ce que j'ai lu, il dit mais que faire? Je m'agite comme un gamin, j'ai perdu toute faculté de réfléchir. Que faire? Un duel? Et au fond, Tchekhov nous montre qu'ils sont au même plan, qu'on soit du côté de l'idéologie et de la morale ou du côté de la culpabilité et de l'hésitation, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, exactement. Ce qui conduit à dire parfois des atrocités. On va écouter la dispute frontale entre Ivanov et son épouse, Sarah, qu'on appelle Anna, enfin Anna plutôt qu'on appelle Sarah, donc l'épouse d'Ivanov, a surpris Ivanov avec Sacha. Avec Sacha, ouais. C'était un moment où Sacha l'embrasse directement. C'est vraiment elle qui prend l'initiative de l'embrasser. L'épouse d'Ivanov arrive et les voit, donc elle est déjà très malade en plus, donc là, il semble qu'elle ne va pas s'en remettre, en tout cas, elle le met devant le fait accompli. Écoutez comment ils se disputent, lui ne peut pas mentir, puisqu'en plus il dit qu'il est honnête et qu'il n'aura jamais menti, mais il ne sait pas vraiment quoi dire non plus. Et la colère est telle, ou peut-être la honte est telle, que les mots lui échappent et les mots devancent sa pensée. Pourquoi à l'instant était-elle ici? Je te demande pourquoi elle est venue ici. Non, ne le demande pas, Newt. Je suis profondément coupable. Alors imagine n'importe quel châtiment, je m'y soumettrai, mais ne m'interroge pas. Je n'ai pas la force de parler. Pourquoi est-elle venue ici? Voilà donc qui tu es. Maintenant je te comprends. Je vois enfin quel homme tu es, malhonnête. Bah! Tu te rappelles? Tu es venu et m'as dit en mentant que tu m'aimais. Je t'ai cru. J'ai quitté mon père, ma mère, ma religion et je t'ai suivi. Tu mentais en me parlant de bonté, de vérité et de tes plans magnifiques. Je croyais chacune de tes paroles. Anyuta, je ne t'ai jamais menti. J'ai vécu 5 ans avec toi. J'ai souffert, j'étais malade. Mais je t'aimais, je ne t'ai pas quitté une minute. Tu étais mon idole. Et toi? Toi, tout le temps, tu m'as trompée de la façon la plus impudente. Anyuta, ne dis pas ce qui n'est pas. Je me trompais, oui, mais de ma vie, je n'ai pas menti une seule fois. Ça, tu n'as pas le droit de me le reprocher. Maintenant, tout est compréhensible. Tu m'as épousée en pensant que mon père et ma mère me pardonneraient, qu'ils me donneraient de l'argent. Tu le pensais. Mon Dieu, Anyuta, t'as éprouvé ainsi ma passion. Tais-toi. Quand tu vis que je n'avais pas d'argent, commençait un nouveau jeu. Maintenant, je me rappelle tout et je comprends. Tu ne m'as jamais aimée. Tu ne m'as pas été fidèle, jamais. Sarah, c'est un mensonge. Dis tout ce que tu voudras, mais ne m'insulte pas par ce mensonge. Oh, malhonnête et vil! Tu dois de l'argent à l'EBDF, et pour te libérer de ta dette, tu veux tourner la tête de sa fille, la tromper comme moi, n'est-ce pas vrai? Tais-toi, Sarah! Tais-toi, au nom de Dieu! Je ne réponds pas de moi. La colère m'étouffe et je pourrais t'insulter. Tu as toujours impudemment trompé les gens, et pas moi seule. Toutes les mauvaises actions, tu les mettais sur le compte de Borkin. Mais à présent, je sais qui en est l'auteur. Sarah! Sarah! Tais-toi! Tais-toi ou bien... Je suis tenté de dire quelque chose d'affreux, d'outrageant. Tais-toi, juive ! Non, je ne me tairai pas. Tu m'as trop longtemps trompé pour que je puisse me taire. Tu ne te tairas pas. Au nom du ciel ! Maintenant, va tromper la Lébédiève. Alors sache que tu vas mourir bientôt. Oui, le docteur m'a dit que tu mourrais bientôt. Alors quand il dit ça à Ivanov, c'est pas une prophétie, c'est qu'effectivement le docteur lui dit depuis le début de la pièce qu'elle va mourir bientôt, qu'il ferait bien de l'emmener en Crimée, lui refuse et il est ivre de colère, il lui dit la vérité qu'elle-même ne sait pas. En fait, elle reprend les mots de Lvov à son compte. Oui. Elle dit exactement ce que lui dit, qu'il a tout été prémédité, qu'il allait faire la même chose avec avec Sacha. Et lui, et c'est là où il est formidable, parce que c'est lui montre son honnêteté en ne démentant pas ce qu'elle lit, mais en disant simplement ne dis pas ce qui n'est pas. Parce qu'il n'est pas. Ouais. Je suis coupable, mais je n'ai jamais menti. Menti, oui. Quelle meilleure preuve de son honnêteté. Bah oui, oui. Oui, oui. Mais ça, c'est dans l'adaptation qu'on alors, avait fait, nous. Non, c'est pas, non, non ça, non. C'est pas votre adaptation, c'est toujours la traduction de l'ancienne d'Antoine Vitesse. Parce qu'on avait gardé le mot, on avait gardé le mot youpi, n'est pas le mot juif, oui, parce que. Qu'est-ce que ça change? Là, il dit juive, ouais. Ouais. Ouais, parce que je pense que ça rejoint une espèce de tronc commun, comme ça, beaucoup de personnages dans la première version dans la comédie qui parlent, je veux dire la femme de Lebedev parle de d'Anna dans ces termes-là, je veux dire on dit sans arrêt qu'il a épousé une espèce de youpine, etc., etc., etc. Et même le Chabelski au début quand il joue, enfin l'oncle, donc le comte quand il joue de la musique avec elle, je veux dire il lui dit qu'elle a un toucher, je sais plus, au violoncelle de youpine, etc., et de tubarde, enfin c'est-à-dire que c'est très des mots très très corrosifs, enfin très très, mais il y a chaque fois sur ces trucs là c'est pour ça qu'on a, moi je préférerais l'autre mot, parce que chaque fois ça se rachète, c'est-à-dire par exemple au moment du mariage le vieux comte tout à coup il voit le violoncelle et il éclate en sanglots. Et à ce moment-là, je veux dire, il glorifie Sarah d'une manière incroyable, en disant que c'était une femme exceptionnelle, etc., etc. Donc, plus rien à voir avec ni l'antisémitisme, ni même tout ce qu'on a pu raconter. Il y a la même chose, je crois, de la part d'Ivanov, quand il se met à parler de sa femme. C'est dans la première version, je crois, au moment justement où il vient pour dire qu'il ne va pas se marier avec Sacha, puisque en fait c'est quand ça, le grand renversement de la pièce, c'est quand même ça. Enfin, je veux dire, c'est que tout est prêt et c'est le jour et c'est le moment. Et là, il vient et il dit non. Il dit qu'il ne peut pas. Et mais je pense que ça, tout à coup, la chose qui me revient, c'est en fait le livre de Tourgueniev qui s'appelle Le journal d'un homme de trop. Et qui est vraiment c'est paru en 60, en gros, je crois, en 61, ou je sais plus exactement. Et c'est vraiment le livre d'une génération. Et je pense que Tchekhov connaissait ça parfaitement quand il écrit Ivanov. Et en gros, c'est la génération, c'est une génération légèrement avant celle de Tourgueniev, mais c'est des gens qui sont. C'est pas le cas de Tchekhov d'ailleurs, parce qu'il était pas de cette origine, mais c'est des gens qui ont une origine sociale relativement élevée, qui sont partis faire des études en Allemagne, qui ont eu comme prof des disciples de Hegel et en plus, par exemple, Tourgueniev voisinait Bakounine, etc., etc. Donc, ils étaient profondément aussi progressistes et qui reviennent en Russie, qui ne comprennent plus rien, mais strictement plus rien à cette société qui est encore, je veux dire, dans ses traditions, dans ses préjugés, ils ne comprennent rien. Et donc, ils ont le sentiment d'être totalement inutiles et superflus. D'ailleurs, par exemple, un des romans de Tourgueniev, Roudine, finalement, ils savent plus quoi faire, donc ils finissent dans les salons. Et comme ils ont la parole facile et qu'ils ont une culture énorme, donc ils deviennent les rois des salons, mais rien du tout, quoi, je veux dire. Alors, c'est pas le cas d'Ivanov, mais en tout cas, le sentiment d'être superflu, je crois qu'il est profondément ancré dans le personnage d'Ivanov à ce moment-là, c'est-à-dire pas forcément dans les années qui précèdent la pièce, mais au moment où la pièce commence, Ce qu'on peut appeler la mélancolie a beaucoup à voir avec ce sentiment d'être inutile et d'être superflu. Ça va jusqu'au suicide pour Ivan dans la seconde version. Avec ces mots, en insistant sur la honte qu'il a. Oui, enfin avec des versions différentes, hein, je veux dire, parce qu'il y a la version où il se tire une balle sur en scène, une autre où il se tire une balle à l'extérieur, et une autre, la première, que je trouve la plus belle d'ailleurs, où c'est les arguments qui le font mourir. Merci beaucoup Alain Françon d'être venu nous en parler ce matin. Merci. Vous nous parlez d'Ivanov. Vous allez compter mettre en scène Tchekhov à bientôt à nouveau? Non, là c'est plutôt Peter Handke que là pour le moment. C'est un autre sujet. Merci beaucoup, à bientôt. Дорогу живо или в гроб ложись. Да выбор небогатый перед нами. Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. И кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, без толкова. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих. Смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей к хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепи не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через позор, через позор, через измену. Но рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе на гнили не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Les philosophes savent-ils se servir de leurs mains? Dans un ouvrage passionnant, Le geste et la main, paru aux éditions du CNRS, l'historien de l'art Stéphane Laurent interroge les rapports entre artistes et artisans depuis la préhistoire et l'Antiquité. De la techné des Grecs aux arts industriels et décoratifs, en passant par les arts mécaniques et mobiliers, il examine la tension qui n'a eu cesse d'exister entre les uns et les autres. Entre les premiers qui se seraient appropriés l'esthétique, la créativité, l'expression artistique, au détriment des seconds qui s'en tiendraient à la dimension purement technique de la production d'objets. Captation, spoliation, usurpation, les artistes seraient coupables d'avoir rabaissé les artisans au rang de simples fabricants. Mais comme le demande justement Stéphane Laurent dans son ouvrage, que serait l'œuvre d'art sans la technique, sans le savoir-faire, sans la main? La question pour qualifier les transformations matérielles et conceptuelles de l'objet d'art est essentielle, mais elle peut être intéressante à un autre niveau, celle de l'importance du faire, de la fabrication, de la technique et donc de la main dans la pensée, dans la conception et la production d'un savoir. C'est cet aspect qui m'a intéressée dans ce livre, se demander en quoi la main est aussi un outil fondamental dans la construction d'une philosophie. Mon métier consiste à tailler des bois bruts que l'on reçoit pour créer des charpentes de maison. Le métier de charpentier, c'est arriver à récupérer un dossier avec un plan ou des relevés de côtes qui nous donnent toutes les informations nécessaires, les pentes, les épaisseurs de mur. On fait nos plans de traçage, nos plans d'exécution. On s'organise avec l'équipe et après on fait un colis et le lendemain on part à la pause. Pourquoi j'aime mon métier? Parce qu'il y a le travail d'équipe, il y a le grand air, l'espace et puis on crée, on conçoit. On fait travailler autant sa tête que ses mains. En quoi une pensée ne se réduit-elle pas à un seul exercice de l'esprit? Comment l'idée vient à l'esprit et sur le papier? Pourquoi la main est-elle indispensable à toute philosophie? Eh bien, deux penseurs actuels explorent ces interrogations. Le premier est Arthur Lockman. Dans La vie solide, sous-titre « La charpente comme éthique du fer » paru aux éditions Payot, il raconte comment il a délaissé ses études de philosophie pour devenir charpentier. Il y a maintenant 10 ans, nous dit-il, dans une période de grande désorientation, je me suis inscrit en CAP de charpentier. Après 3 années de travail acharné en classe préparatoire et 2 autres à l'université. Ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. À bien des égards, l'apprentissage de ce métier ressemble à celui des autres artisanats. On y intériorise des gestes, une langue, des méthodes, des exigences, et cela prend du temps. Mais la charpente est aussi une activité à nul autre pareille. De tous les corps d'état du bâtiment, c'est le seul qui procure cette sensation première, essentielle, des espaces en train de prendre forme sous le ciel. C'est un métier immensément exigeant, une vie solide à laquelle on s'attache. Réflexion sur le bois, cette matière qui se découvre de l'intérieur, sur les outils, la scie égoïne, sur l'apprentissage du geste qui consiste justement à scier, sur les imprécisions paradoxalement exactes d'un chantier, sur le travail en équipe, au cœur de la forêt ou au fil du temps, Arthur Lockman livre de très belles pages sur la matérialisation de soi à travers le travail, la fabrication, son corps et en accord avec les autres. Et où l'on voit que la pensée n'existe pas seule, mais en acte, qu'elle s'affine à l'épreuve des saisons et des années, qu'une idée n'est rien quand elle est en l'air, solitaire, abstraite, mais seulement quand elle se fait et s'use. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Sur le starter, et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. À côté d'Arthur Lockman, qui propose une éthique du fer à partir de sa propre expérience de charpentier, il y a l'Américain Matthew Crawford, philosophe et mécanicien, qui a proposé il y a déjà 10 ans, en 2009, un essai sur le sens et la valeur du travail sous le titre tellement évocateur d'Éloge du carburateur. Dans ce livre, il fait le récit de sa reconversion d'universitaire brillant mais déprimé à réparateur de moto. Et il affronte directement la question, la grande divergence qui existe aujourd'hui entre pensée et fer dans le monde du travail, paradoxalement appelé « monde actif ». Plus que des réflexions sur le travail et la fabrication, on voit dans ces deux livres que non seulement la séparation faire-pensée appauvrit l'action, mais surtout la pensée. Car comment proposer une pensée de l'altérité et du monde quand on travaille seul? Une pensée du temps quand on ne l'expérimente pas? Ou des objets quand on ne touche à rien? Quand, autrement dit, on ne fait rien de ses mains? Je rappelle les titres des livres que j'ai cités. Il y a « Le geste et la pensée » de Stéphane Laurent, paru aux éditions du CNRS. « La vie solide » d'Arthur Lockman, c'est aux éditions Payot. Et « Le fabuleux éloge du carburateur » de Matthew Crawford, que l'on trouve à La Découverte. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Mathieu Tarpin, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. Cédric Châteluc était à la prise de son aujourd'hui. Merci à Florence Thomas du Théâtre de la Colline qui nous a aidé pour préparer cette émission. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Tchekhov. Demain, ce sera Georges Banu qui viendra vous parler des 3 sœurs. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Il vous suffit de cliquer sur le triangle play pour réécouter l'émission. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable et absolument quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.